السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la radio du مركز de l'imam الشافعي رحمه الله. Ce noble merkez qui est dirigé par notre noble cher Abul Harith Ahmed ibn Suleyman Baadoukhun hafidhahullah ta'ala. Et dans la soirée du vendredi, de la soirée du vendredi au samedi, le cher nous a fait l'honneur d'une allocution concernant le mois de Sha'ban, le mois dans lequel nous sommes rentrés, il y a de cela quelques jours. Et donc le cher y a abordé certains enseignements que nous allons tenter de transmettre dans leur sens résumé et approximatif en langue française. Donc le cheikh, dans son allocution concernant le mois de Sha'ban, a abordé certains enseignements prophétiques concernant le mois de Sha'ban et a mentionné certaines innovations dans lesquelles certains musulmans tombent durant le mois de Sha'ban et contre lesquelles les savants ont mis en garde. Et il a mentionné qu'il est connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi des périodes dans l'année qui sont des périodes propices à l'adoration, bien que le musulman, il est requis de sa part d'adorer Allah en toutes circonstances et en tout temps, il y a cependant des périodes de l'année vis-à-vis desquelles est venu un encouragement et une incitation particulière quant à l'adoration. Ceci afin que le musulman augmente en adoration et en dévotion et en obéissance vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal. Et donc Allah Subhanahu wa ta'ala, à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam, a incité à l'augmentation dans l'adoration durant le mois de Sha'ban, qui est un mois béni, empli de bien. Et donc, de ce fait, il fait partie de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'augmenter en adoration durant le mois de Sha'ban, comme rapporté par Usama ibn Zayd dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, dans son Sunan. Dans ce hadith, il fut rapporté que Usama s'est adressé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'interrogea, en lui demandant: Ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner dans les autres mois comme tu le fais durant Sha'ban. Donc il lui fit cette remarque à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y multipliait les jours de jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit afin de lui enseigner la réalité du mois de Sha'ban en lui disant: c'est un mois que les gens négligent, un mois se trouvant entre Rajab et Ramadan, le mois de Sha'ban, et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Et ce hadith fut considéré comme étant bon par cher Nasr, Mohamed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah. Et donc ce hadith, comme notre cher Ahmed Badoukhoun nous l'a mentionné, contient plusieurs enseignements bénéfiques. Parmi eux, le fait de mentionner la négligence de la plupart des gens, c'est-à-dire la négligence et la distraction, l'insouciance des gens vis-à-vis de l'adoration dans le mois de Sha'ban. Et la cause de cela, c'est que beaucoup de gens se préparent pour Ramadan, c'est-à-dire que les gens augmentent en préoccupation mondaine durant le mois de Sha'ban. C'est-à-dire, par exemple, ils essayent de faire en sorte de pouvoir finir ce qu'ils ont à faire dans leur travail afin de pouvoir se libérer pour Ramadan. Ou une personne qui aurait sa maison à réparer, ou une voiture à réparer, ou un voyage à faire, ou une visite des proches qu'il voudrait accomplir, il va s'arranger pour faire tout cela durant le mois de Sha'ban afin de se libérer pour Ramadan. Et donc, les gens agissant de la sorte, cherchant à se débarrasser de leurs responsabilités pendant Sha'ban afin de se libérer pour Ramadan, ceci sera une cause de distraction et de négligence de l'adoration durant le mois de Sha'ban. Et donc, ceci sera une cause de distraction suscitant la négligence de la part du serviteur, à moins que le musulman ne soit aux aguets et soit quelqu'un qui cherche à se prémunir des effets de l'insouciance et de la négligence. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith avait dit que c'était un mois que les gens négligent, alors que c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées. Et donc, du fait que les œuvres y soient élevées vers Allah, il ne convient pas que cela survienne alors que le musulman est distrait, insouciants et négligents envers le rappel d'Allah ainsi que son obéissance. Et l'élévation des œuvres vers Allah subhanahu wa ta'ala est affirmée comme étant quelque chose qui survient durant le mois de Sha'ban, et c'est une élévation annuelle, c'est-à-dire une élévation des œuvres qui furent accomplies durant l'année. Mais également, il y a dans un hadith la mention d'une autre élévation qui survient, elle, de façon quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, une élévation des œuvres accomplies durant la journée. Et il mentionna le hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné en disant: Certes, Allah ne dort pas, et il ne lui sied pas qu'il dorme. Il établit la balance en toute justice et équité. Vers lui est élevé les œuvres de la journée, de la nuit avant les œuvres du jour, et les œuvres du jour avant les œuvres de la nuit. Et ce hadith est authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wa salam. Donc nous avons vu une première élévation, une élévation annuelle durant Sha'ban, une élévation quotidienne, tous les jours. Il y a également une élévation hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, qui a lieu le lundi et le jeudi. Le Shiraz, pour supporter cette prétention, a ramené le hadith du Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Abu Huraira, dans lequel Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Les œuvres sont élevées vers Allah Ta'ala chaque lundi et jeudi, alors Allah pardonne à tout musulman et il ne pardonne pas aux polythéistes ou encore à des gens ayant un conflit entre eux, car les concernant, Allah dit, selon la traduction approximative du propos divin, attendez, attendez jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et dans une des riwayas du hadith, du hadith que nous avons mentionné précédemment, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Et donc ceci fut mentionné concernant l'élévation hebdomadaire et l'élévation des œuvres qui est annuelle, c'est-à-dire celle du mois de Sha'ban. Il en est de même pour celle de la semaine. Alors, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié Sha'ban et spécifier le lundi et le jeudi, qui sont des périodes de l'année durant lesquelles les œuvres sont élevées, pourquoi il a spécifiquement jeûné? Pourquoi avoir choisi le jeûne? Le cheikh a mentionné deux interprétations des ulémas. La première interprétation des ulémas, c'est que le jeûne est une adoration qui dure dans le temps, qui dure et qui continue, qui est continue et qui perdure. Dans le sens où le jeûne, lorsque la personne s'adonne au jeûne, elle est en état d'adoration. Depuis, à partir du moment où l'aube véridique survient, jusqu'au coucher du soleil, il est en adoration constante. C'est-à-dire même dans ses actes du quotidien, la personne qui est en état de jeûne est en adoration. C'est-à-dire que même quand il dort, vu qu'il est en état de jeûne, durant sa journée de jeûne, s'il dort, il est en adoration. Il va même aux toilettes, il fait ses besoins, il est considéré comme étant en adoration parce qu'il jeûne. Et lorsque même si il va au travail parce il a besoin d'y aller, il est considéré comme étant en adoration. Donc, dans cet état est un état d'adoration qui est continu tout au long de cette journée. La deuxième interprétation, mentionnée par les ulémas dont le cheikh a fait la mention, hafidhahullah, c'est que le jeûne est une adoration qui implique et est une cause de l'accomplissement d'autres adorations. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui veut s'adonner au jeûne va se lever afin d'accomplir un sahur, c'est-à-dire de consommer le repas que l'on consomme avant le jeûne afin de prendre des forces pour pouvoir supporter le jeûne durant la journée. Donc en se levant avant, il va se lever avant le fajr. Donc il va prendre des forces pour le jeûne. Mais également le fait qu'il va se lever avant le fajr, ça veut dire qu'il va sûrement utiliser son temps pour faire du dhikr, de la demande de pardon, l'istighfar. Et au moins, la moindre des choses, c'est qu'il aura la prière en groupe. Également, le fait que quand la personne va être en état de jeûne, la personne va se prémunir des péchés. Car les péchés sont des actes qui, s'ils sont accomplis, diminuent et amoindrissent la récompense du jeûne. Également, le fait de ne pas manger et de ne pas boire durant la journée, c'est plus à même d'être une cause pour que le serviteur soit sujet à l'humilité devant Allah et à revenir vers lui repentant. Et donc, du fait que durant ce mois, le mois de Sha'ban, les gens sont insouciants et sont souvent négligents, Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé le succès, c'est celui à qui Allah aura accordé son aide. Ce sera celui qui utilisera son temps à bon escient. Alors que les gens sont distraits, négligents vis-à-vis de l'adoration d'Allah, il fait en sorte d'utiliser son temps de la meilleure des manières durant ce mois, n'étant pas un insouciant comme les autres le sont, n'agissant pas de manière frivole comme le font les autres. Et donc la sunna a affirmé que l'adoration en période d'insouciance, durant laquelle les gens sont préoccupés par les troubles ou par la dunya et ce qu'elle contient, alors l'adoration qui est accomplie par le serviteur y est multipliée et la récompense en est plus grandiose. En effet, il mentionna un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses nobles compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: devant vous se trouvent des jours durant lesquels la patience sera comme saisir une braise. Le cheikh commenta en disant: et qui d'entre nous peut saisir une braise? C'est-à-dire tenir une braise ardente dans sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les gens qui seront patients sur la dévotion religieuse durant ces époques de difficulté, en disant que celui qui œuvre en ces jours-là aura la récompense de 50 hommes accomplissant ce que vous faites. Et les sahaba de questionner au messager d'Allah, celui qui sera patient en ce moment-là aura la récompense de 50 hommes parmi nous ou 50 hommes parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui lui seront des contemporains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: l'individu qui agira de la sorte aura la récompense de 50 parmi vous, c'est-à-dire parmi les sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le pourquoi de cette grande récompense qui attend ceux qui seront endurants sur la dévotion religieuse alors que les gens s'en détournent. Il a expliqué cela en disant: vous avez des gens qui vous aident dans l'adoration, tandis que non. Cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué cette partie du hadith en disant que les sahaba, à leur époque, ils ont des gens avec lesquels ils se motivent, avec lesquels ils s'entraident, avec lesquels ils se concurrencent dans l'accomplissement du bien. Alors que ceux qui viendront dans les générations de difficultés, eux n'auront pas ce genre de personnes pour les aider. Car les gens, dans leur majorité, seront détournés de l'adoration, seront insouciants et négligents vis-à-vis de l'adoration, préoccupés par la dunya et ce qu'elle comporte, ou en train de s'adonner au péché. Et donc, dans cette situation-là, c'est-à-dire la situation de dévotion religieuse qui émane du serviteur ou de la servante, alors que les gens sont insouciants et détournés de l'adoration, la récompense y est multipliée pour celui qui sera dévoué à Allah. Et le cheikh a clarifier une possible ambiguïté qui pourrait survenir dans l'esprit de celui qui consulterait ce hadith, en expliquant que bien que la récompense est grandiose, ceci ne signifie pas que ceux qui auront la récompense pour leur patience dans les périodes de difficulté seraient meilleurs que les sahaba. La grande récompense qui est mentionnée vis-à-vis de eux ne signifie pas qu'ils sont meilleurs que les sahaba. Non. Et donc, le musulman, même s'il travaille, il ne doit pas se laisser aller au point d'être atteint par l'insouciance, la négligence et la distraction vis-à-vis de l'obéissance et de l'adoration d'Allah. Le cheikh a mentionné le verset numéro 10 de sourate Al-Jumu'ah, dans lequel Allah a dit, selon la traduction approximative du sens: puis lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez abondamment Allah afin que vous réussissiez. Le cheikh a expliqué ce verset en disant que lorsque la prière est terminée, c'est-à-dire la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Ensuite, Allah a fait la mention, selon le sens approximatif de ce passage coranique, de la dispersion, c'est-à-dire dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. C'est-à-dire allez dans vos lieux de travail, allez et cheminez afin d'obtenir votre subsistance, travaillez de vos mains, essayez d'obtenir votre subsistance, allez travailler. Et ensuite, le verset nous mentionne ce qui sera la résolution au problème de la négligence et de l'insouciance, la distraction. Car le cher a expliqué qu'on doit prendre garde à l'insouciance, et donc le remède a été mentionné dans la fin du verset. C'est-à-dire que le cher a expliqué que ce qui remédie à l'insouciance, c'est la suite du verset qui mentionne mentionné fréquemment Allah, c'est-à-dire de façon abondante, afin que vous réussissiez. C'est-à-dire que donc pendant que vous cheminez vers l'acquisition de la subsistance ou que vous travaillez, invoquez Allah abondamment. Donc il y a ici un avertissement à l'encontre de l'insouciance. Et donc la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est de multiplier les jours de jeûne durant le mois de Sha'ban. En effet, nous avons déjà vu une version du hadith mentionnant qu'il a dit, alayhi salatu wa salam, j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Mais dans un autre hadith rapporté par Aïcha, radiallahu anha, qui est mentionné par l'imam al-Bukhari dans son sahih, elle rapporta, je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner autant après à part le mois de Ramadan que durant le mois de Sha'ban. Et dans une autre riwaya rapportée par l'imam Muslim dans son sahih, il est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban entièrement. Et dans une autre version du hadith, il est mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban dans son entièreté, excepté quelques jours, à l'exception de quelques jours. Cheikh Ahmed Badoukhoun, hafizahullah ta'ala, a mentionné que donc ces hadiths montrent la faiblesse du hadith, mentionnant que lorsque le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, on ne doit pas jeûner. Ce hadith est un hadith déficient, ayant une erreur le rendant faible. Et il a été considéré comme étant mu'al, c'est-à-dire doté d'une faiblesse le rendant faible, et voire munkar, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est mensonger. Et l'imam Ahmed et l'imam Abdurrahman ibn Mahdi l'ont considéré donc comme étant faible, de par son contenu s'opposant au contenu des autres hadiths authentiquement rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant qu'il jeûnait Sha'ban entièrement ou entièrement à l'exception de quelques jours, alayhi salatu wa sallam. Cependant, le cheikh attira l'attention, hafidhahullah, concernant le fait de ne pas jeûner juste avant Ramadan. En effet, il rapporta un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam Muslim, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne précédez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux au préalable, sauf pour celui qui a un jeûne habituel à faire alors qu'il le jeûne. Le cheikh a expliqué que dans cette circonstance, vis-à-vis de ce hadith, il y a deux cas possibles. La personne qui est habituée, alors il est concerné par ce hadith. C'est-à-dire que la personne qui est habituée à jeûner, comme le jeûne de Daoud, le fait de jeûner un jour et de rompre un jour, de jeûner un jour et de rompre un jour, alors cette personne-là, ou la personne qui jeûne le lundi et le jeudi, ou la personne qui aura un jour de Ramadan à rattraper, peut jeûner un jour avant Ramadan ou 2 jours avant Ramadan, car lui a une raison de le faire. Mais concernant celui qui n'a pas l'habitude de jeûner durant ce jour, qui sera le jour qui précède Ramadan ou le jour qui précède le jour qui précède Ramadan, alors lui ne doit pas jeûner parce qu'il n'a pas une raison habituelle de le faire. Et il y a une interdiction qui a été mentionnée par le cheikh concernant l'interdiction de jeûner le jour du doute. Le jour du doute étant le 30e jour de Sha'ban. Et il mentionna le hadith d'Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, dans lequel il avait mentionné que quiconque viendrait à jeûner le jour du doute, alors il aura désobéi à Abul Qasim. Note du traducteur, Abul Qasim vise ici Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh a expliqué que le fait de jeûner le jour du doute, c'est dans le cas où, lorsque la nuit précédant le jour, le ciel fut obscurci au point qu'on ne fut pas en mesure de distinguer le croissant lunaire, s'il était dans le ciel ou non, je n'ai le jour qui suit, qui est le 30e jour de Charben, alors ce jeûne est interdit. Et ce qui doit être retenu, c'est que de façon générale, on doit augmenter, il est recommandé d'augmenter en jour de jeûne durant le mois de Charben. Et le cheikh Ahmed Badouchoun Hafidhahullah a expliqué que si cela était difficile, comme par rapport au travail, alors les adorations sont multiples et diverses. La personne qui rencontrerait des difficultés concernant le jeûne durant le mois de Charban, alors qu'il s'adonne à la lecture du Coran, qu'il fasse du dhikr, qu'il étudie la science, car ce sont des adorations. Et il y a d'autres adorations encore qu'il peut accomplir. L'important, c'est qu'il ne néglige pas l'adoration d'Allah durant Charban. Les pieux prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullah, disaient de ce mois, c'est-à-dire le mois de Charban, que c'est le mois des lecteurs, c'est-à-dire des gens qui lisent abondamment et assidûment le Coran, car ils y augmentaient en lecture. Car le mois de Charban est une période de préparation à la dévotion religieuse durant le mois de Ramadan. Car si le mois de Ramadan arrive alors que la personne est fainéante envers l'adoration, il risque de le rester durant le mois de Ramadan, à moins que Allah n'ait voulu que son état change. Donc le mois de Sha'ban, comme le cheikh l'a expliqué, est un mois de préparation pour la dévotion religieuse durant le mois de Ramadan. Et on doit donc augmenter en adoration et se prémunir des innovations. Il expliqua que les adeptes de l'innovation, Ahlul Bid'a, les adeptes de l'innovation qui adorent Allah avec ignorance propagent des innovations parmi les gens, notamment durant ce mois. Parmi les innovations, il y en a transmises et propagées parmi les gens, le fait de transmettre une invocation spécifique par rapport à ce mois. Et cette invocation n'est basée sur aucune preuve, c'est une invocation innovée. De la même, il mentionna également une autre innovation, le fait que certains parmi les innovateurs appellent à la célébration de la nuit de la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire de la mi-Sha'ban. Et ceci ne fut pas affirmé dans les hadiths transmis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du hadith, les adeptes et les spécialistes du hadith sont unanimes vis-à-vis du fait qu'il n'y a absolument rien d'authentique qui fut transmis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur les mérites de la nuit de la mi-Sha'ban. Bien qu'il fût rapporté de certains tabi'in, c'est-à-dire certains de la génération qui a suivi les Sahaba, que certains d'entre eux augmentaient en adoration durant la nuit de la mi-Sha'ban, comme ceci fut rapporté par l'imam Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dans la Ta'if al-Ma'arif. Cependant, ceci ne fut pas rapporté des autres tabi'in. Ceci fut rapporté de certains d'entre eux. Et ceci ne fut pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni de la majorité des tabi'in, et il n'y a aucune preuve du Coran et ou de la Sunna sur cela. Donc, on ne se doit d'adorer Allah avec preuve. Et il mentionna un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne spécifiez pas le vendredi pour le jeûne, et ne spécifiez pas sa nuit par la prière de nuit, en dehors des autres jours. Le cheikh a expliqué ce hadith en expliquant que spécifier un moment particulier pour une adoration spécifique, alors s'il n'y a pas une preuve légitimant cette manière de faire, alors c'est une innovation. Et certains parmi les ignorants pensent que la nuit de la mi-Sha'ban est la nuit du destin, alors que la nuit du destin a lieu durant le mois de Ramadan. Il prouva cela, hafidhahullah ta'ala, en mentionnant le verset du Coran dont le sens approximatif en français est le suivant, nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin, c'est-à-dire le Coran. Le Coran fut descendu durant la nuit du destin. Et dans Sourate al-Baqarah, il mentionna le verset dont le sens en français est le suivant, le mois du Ramadan durant lequel nous fîmes descendre le Coran. Ce qui établit que le Coran fut descendu durant la nuit du destin, qui a lieu durant le mois de Ramadan et non pas durant le mois de Sha'ban. Et la descente du Coran donc a eu lieu durant Ramadan, durant la nuit du destin. Mais cependant, la descente du Coran est de trois, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a mentionné dans plusieurs endroits dans ses ouvrages. La première descente, c'est la descente entière du Coran au ciel de cette dunya, jumlatan, dans la demeure d'Al-Izzah, au ciel de cette dunya, comme Abdullah ibn Abbas l'a affirmé, radiallahu anhu. Cette descente est une descente qui a eu lieu durant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin. La descente du Coran en entier a eu lieu et le Coran fut descendu au premier ciel de cette dunya, puis il fut révélé, morcelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction des circonstances et des différents événements. La deuxième descente du Coran est l'écoute de Djibril du Coran prononcé par Allah. Et la troisième descente, c'est la descente de Djibril sur le prophète alayhi salatu wa sallam, lui transmettant le Coran. Et des ignorants parmi les soufis et ceux qui leur sont similaires parmi les membres du groupe des Tablir prétendent que la nuit de la mi-Sha'ban est la nuit du destin. C'est une innovation sans preuve. Et l'adoration se doit d'être conforme à la pratique du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a à cet effet mentionné le verset numéro 3 de Sourate Al-A'raf, dont la traduction approximative du sens est le suivant et la suivante. Et suivez ce qui vous fut descendu vers vous venant de votre Seigneur, et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés, mais certainement très peu d'entre vous se rappellent. Et il mentionna un hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre la verra alors rejetée. Donc on se doit de se conformer à la sunna et de se prémunir des innovations. Et donc on doit se préparer pour Ramadan par le fait d'être premièrement résolu, c'est-à-dire résolu afin à augmenter en adoration et en dévotion vis-à-vis d'Allah durant le mois de Ramadan. Résolu vis-à-vis de cela et de faire la tawbah, la repentance de l'ensemble des péchés. Et la personne qui met l'intention de faire le bien, mais qui n'arrive pas à le concrétiser de par un élément extérieur qui n'est pas sujet à sa volonté, aura alors la récompense de ce bien qu'il avait l'intention de faire. Et il expliqua ce propos en disant que la personne qui avait comme intention et comme résolution dans son cœur d'augmenter en adoration vis-à-vis d'Allah durant le mois de Ramadan s'il le vivait, et qui est empêché d'atteindre Ramadan parce qu'il meurt, il a la récompense de l'adoration qu'il voulait faire pendant Ramadan, bien qu'il ne l'eût pas accompli. Car ce qui l'a empêché n'est pas son changement d'intention, mais le fait qu'il a été empêché de le faire par la mort. D'où l'importance d'avoir une niyya qui est bonne. Et le cheikh donc prit la conclusion avec quelques invocations, implorant Allah d'accorder le succès à tout un chacun dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée. Et avec ceci, nous terminons donc notre tentative de traduction approximative et très résumée des propos de notre noble cheikh Abul Harith Ahmed ibn Suleyman Badoukhoun Hafidhahullah, qui est le directeur de ce noble merkez et qui y donne cours lui-même. Hafidhahullah. Hada wa subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.